C'est pas la joie dans mon quartier. On se casse pour rester cool. On est solidaires entre nous. Quand y'a les bleus qui cassent les couilles, toi tu trahis, t'es qu'une vieille merde. Viens vers chez nous, on traite de moule. Tu mens trop à ta mère et puis tu dis tout à ta boule. Ça fume la belle Dia, libéraux, libérables. Une attaque sauvage sur une petite rabia. Y'a les porcs, c'est salope, escalade de grillage. Grillade au quartier, y'a toujours la fiable. Puis les sur la route, tout scotché à l'étage. Les dos se resserrent, tout le quartier contre l'état. Ça charge des topos, là jusqu'à Malaga. Mal agir mon poteau, t'auras que tu nous cherches, on est là. De partout en Belhala, tu nous cherches, on est là. X rêvé, on est connu, la la la. Tu nous cherches, on est là. X rêvé, on est connu, la la la. Et mes potes sont tous parano. La haisse les contamine et nique ta pute à bas piano. Quand tu décoffres, elle devient câline. On est trop fou, on vit la night attiré par toutes ces broutilles. Bouffez-vous entre vous et toi disant y'a que des Loki. Guerrier comme Natsuka, 4-5 pour la Honda. Hachek tu l'es Heski et dis à qui quand t'es coupable. Quand t'es coupable, quand t'es coupable, quand t'es coupable. Dis-moi y'a qui quand tu nous cherches, on est là. X9 et de partout en Belhala. Diamos 4 sorties de peau, Libertà au mandat de dépôt. Au cachot que des talents gâchés, fâché de voir qu'il y a autant de fachos. Et monte le son qu'on fasse la huelle. La khira elle est folle, un peu d'alcool elle fait la belle. Et puis ça la traîne par le col, par le col les gens y collent. Bordel la foule tout le monde s'affole. Défilé de bolos au check, puis j'y finis sous camisole. Ouais j'sais comment, j'suis trop chaud dans mon élan. Le poteau il est dedans, c'est pas fastoche quand c'est pour longtemps. Quand c'est pour longtemps, c'est pas fastoche. Quand c'est pour longtemps, quand c'est pour longtemps, c'est pas fastoche. Quand c'est tu nous cherches, on est là. Six 9 et de partout en Belhala. Tu nous cherches.